Chapitre 17e. Il est un personnage de notre histoire que nous avons perdu de vue, et dont nul n'avait plus entendu parler au château de Belle-Ombre. Nous voulons parler de Grincel. Grincel avait reçu un coup de bâton derrière la tête, on s'en souvient, lequel avait été si violent, si bien appliqué, que le jeune gars était tombé la face contre terre, sans plus donner le moindre signe de vie. Cependant, Grincel n'était pas mort. Après un évanouissement de plusieurs heures, il reprit peu à peu connaissance et porta la main à son front, où il éprouva une violente douleur. Il retira cette main couverte de sang. Le bâton avait entamé le cuir chevelu. Les premières clartés de l'aube glissaient à l'horizon et pénétraient au travers des arbres débouillés. Grincel se traîna vers un petit ruisseau qui coulait sous la lune, et à l'aide de son mouchoir, il lava la plaie du mieux qu'il lui fut possible. Il put alors se convaincre par le toucher qu'il n'était pas dangereusement blessé. Après avoir obéi à ce premier sentiment d'égoïsme et d'instinct de conservation, Grincel se demanda comment et pourquoi il était là. Son évanouissement avait duré toute la nuit, et il était tout simple qu'en revenant à lui, le jeune homme éprouva une sorte de confusion dans ses souvenirs. Mais bientôt, Grincel se rappela un à un tous les événements de la veille. Il était sorti de Belle-Ombre à la nuit close. Après avoir fait un long détour, il était venu attacher son cheval à la lisière du bois. Puis il s'était dirigé vers le trou au renard. Puis encore, tout à coup, il avait éprouvé une violente commotion. À partir de ce moment, Grincel ne se souvenait plus de rien. Mais soudain, il songea à la lettre de Manabian qu'il portait au grand Hector. Et alors seulement, le jeune gars s'aperçut qu'il avait son gilet ouvert. Il palpa toutes les poches, il regarda autour de lui, espérant voir cette lettre sur le gazon. La missive avait disparu. Grincel était intelligent. La disparition de la lettre lui laissa deviner une partie de la vérité. On l'avait assommé pour lui voler la lettre, et on n'avait pu commettre ce vol que dans l'intention de découvrir la retraite du comte. À cette pensée, l'enfant frissonna, puis, rassemblant tout ce qu'il avait d'énergie, après avoir noué son mouchoir autour de sa tête, il se prit à courir vers le trou au renard. Un sombre pressentiment l'agitait. Sa voix trembla bien fort lorsque, se penchant sur l'orifice du souterrain, il fit entendre son houlement ordinaire. Un coup de sifflet lui répondit. Grincel eut un battement de cœur violent et il répéta son appel. Un deuxième coup de sifflet se fit entendre, mais cette fois Grincel eut le frisson, car avec cette merveilleuse finesse d'ouïe particulière au braconnier, il avait pu reconnaître que ce n'était point Hector de Mainhardi qui lui répondait. « C'est Mathurin, se dit-il, qui vient de siffler. » Et sans hésiter, Grincel se laissa glisser dans le trou au renard, répétant de temps à autre, et à mesure qu'il avançait au milieu des ténèbres, son cri de chouette. Chaque fois, le sifflet de Mathurin lui répondait. Le souterrain, on s'en souvient, formait un coude vers le milieu. Quand il eut fait la moitié du chemin et tourné par conséquent le coude dont nous parlons, Grincel vit briller une lueur rougeâtre dans l'éloignement. Les trois compagnons du comte avaient allumé du feu, selon la coutume de chaque soir depuis qu'ils étaient dans le souterrain, et ils étaient assis alentour. « Est-ce toi, Grincel ?» demanda Mathurin, qui se leva et vint à la rencontre du jeune gars. « C'est moi, » répondit celui-ci. « Où est Monsieur Hector ?» À cette question du gars, les trois Vendéens se levèrent précipitamment et poussèrent un cri unique. « Comment, où est-il » « Dame, » répondit Grincel, tout pâle, « vous devez le savoir, vous qui le gardez. » « Tu dois bien mieux le savoir que nous, toi !» s'écria Mathurin. « Moi ? Oui, toi qui es venu le chercher hier soir. C'est faux !» Et l'enfant entra dans le cercle de lumière décrit par le brasier, et les trois Vendéens s'aperçurent alors qu'il avait la tête enveloppée d'un mouchoir ensanglanté. « Tu es blessé ? » exclama Mathurin. « Ce n'est rien. Ne vous occupez pas de moi. Où est monsieur le comte ?»« Mais je te dis qu'il est à Belle-Ombre. Tu as poussé ton cri de chouette hier soir. Je vous jure que non !» Le comte est parti, nous avons cru que c'était avec toi. Trahison ! S'écria Grincel, et l'enfant raconta ce qui était arrivé, ajoutant qu'il apportait au comte une lettre de Madame Diane, lettre par laquelle la baronne l'avertissait que les bleus étaient toujours à Belle-Ombre et que vraisemblablement il partirait le lendemain matin. Le récit de Grincel, rapproché de ce que lui apprenaient les Vendéens, prouvait jusqu'à l'évidence que le comte de Mainhardi avait dû tomber dans un piège. Pendant quelques minutes, les serviteurs du comte et le pauvre Grincel demeurèrent consternés et comme anéantis. mais l'enfant sortit le premier de cet état de torpeur et de désolation. « Il ne s'agit pas de nous désespérer, » dit-il. « Il faut sauver monsieur le comte. » Mathurin hocha la tête. « Si les bleus le tiennent, » dit-il, « il est perdu. » « Il faut au moins savoir ce qu'il est devenu, » répondit Grincel. « Adieu, restez ici, attendez-moi. Où vas-tu, à belle ombre ?» Et l'enfant se reprit à courir, laissant les chouins consternés de l'absence inexplicable de leur chef. « C'est égal, » murmura Mathurin, tandis que les pas de Grincel s'éteignaient dans l'éloignement. « J'ai confiance dans le gars. » Grincel sortit du trou au renard et prit le chemin de belle ombre. En moins d'une heure, il eut atteint la lisière de la forêt et l'endroit où il avait la veille au soir attaché son cheval. Le cheval n'y était plus, mais comme il avait plu en abondance les jours précédents, la terre était détrempée et les sabots de l'animal étaient nettement marqués sur le sol. Auprès de l'empreinte des fers du cheval, Grincel reconnut un pied d'homme. Il se prit à l'examiner attentivement et put se convaincre que ce pied n'était point celui du comte. Hector, même avec ses bottes de chasse, laissait une empreinte étroite, aristocratiquement allongée. Celle-là, au contraire, était large. On eût dit le soulier ferré d'un paysan pour la forme, mais aucune trace de clou ne s'y voyait. Grincel en conclut sur le champ que ce ne pouvait être que le pied d'un domestique du château, de l'un de ceux qui venaient de Paris et portaient de fortes chaussures sans tête de clou. « Ce n'est pas le pied d'un Poitevin, ni d'un Vendéen, dit-il, c'est le pied d'un Parisien. » Et soudain Grincel songea à Ambroise, le valet de chambre de la baronne Rupert. Le gars, ayant porté ses soupçons sur Ambroise, se demande alors pourquoi et comment il avait pu se trouver là pour détacher et emmener le cheval. Mais cette supposition n'occupa point longtemps l'esprit judicieux de Grincel. Les pas de l'homme précédaient parfois ceux du cheval, parfois il le suivait, ce qui détruisait l'hypothèse qu'il avait conduit le cheval par la bride. Donc le cheval était monté par un deuxième personnage, et Grincel devina sur le champ que c'était le comte. Il était près de midi lorsque, suivant toujours les traces du cheval et du piéton, le gars arriva hors du bois à la clôture du parc. Grincel s'était mis à ramper sur ses pieds et sur ses mains, glissant à travers les broussailles comme une couleuvre, de telle façon que du château on ne pouvait l'apercevoir. À 50 mètres environ de la haie vive qui clôturait le parc, Grincel remarqua une chose bizarre. La terre était fortement piétinée en cet endroit, et au lieu d'une empreinte de pas, il y en avait deux. Grincel reconnut parfaitement la seconde, c'était celle du comte. Celle-là se dirigeait vers la haie de clôture, l'autre disparaissait tout à coup. « Bon, » pensa le gars, « le comte est descendu de cheval et Ambroise y est monté. » D'après les traces qu'il avait laissées, on devinait que le cheval s'était arrêté un moment. Puis on avait dû le lancer au galop et le diriger à l'opposé du parc, à travers le champ de graines de moutarde. Au-delà de ce champ, passait un chemin de traverse qui allait un quart de lieue plus loin rejoindre la grande route de Rochefort à Paris. « Où diable est-il allé ?» se demanda Grincel, qui suivit les traces du cavalier jusqu'au chemin dont le sol pierreux ne les avait point conservées. Il rampa alors sur ses pas et se remit sur la trace du comte. Hector était allé droit à la brèche pratiquée dans la haie. Mais comme il arrivait là, Grincel s'arrêta frissonnant et la sueur au front. Le pied jaloux était encore là, et quelques lambeaux de vêtements adhéraient à ses dents meurtrières qui s'étaient refermées. Ces lambeaux, Grincel les reconnut comme provenant du pantalon de drap gris du comte. « Oh, les infâmes » murmura-t-il. Pourtant le gars connaissait Hector. Il savait que l'amant de Diane était doué d'une force herculéenne, et un moment eut une folle espérance. Peut-être, pensa-t-il, sera-t-il parvenu à se dégager sans bruit, sans cri et à fuir. Cette espérance, Grincel ne pouvait la conserver longtemps, car un bruit de pas se fit entendre dans la broussaille, et le gars, qui s'était jeté à plat ventre, vit venir à lui un homme qu'il reconnut sur le champ. C'était le capitaine Aubin, encapoté en képi, qui se promenait en fumant. Sans doute l'officier avait aperçu Grincel, car il se dirigeait vers lui. Grincel demeurait immobile. Quand il ne fut plus qu'à deux pas du gars, le capitaine posa un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence. « Il m'a vu, » pensa Grincel, qui conserva son immobilité. Puis il leva sur l'officier un regard intelligent et limpide. « Il est triste, il a un air mystérieux, » se dit-il. « Bien sûr, il est arrivé malheur à monsieur Hector. » Le capitaine vint s'asseoir auprès du jeune gars. Grincel était trop rusé pour prononcer le premier nom d'Hector. « Vous êtes triste, capitaine, » dit-il. « Ah, tu crois ?»« Dame, Je suis triste parce que Madame Diane pleure et se désole, grincelle mon ami. Madame Diane pleure, exclama l'enfant. Oui, car le comte de Mahardy a été pris cette nuit. Grincelle ne jeta aucun cri. Je le savais, dit-il tout bas, et il montra le piège à loup. C'est moi, ajouta le capitaine avec amertume, qui suis son geôlier. Vous, capitaine ? Charles Aubin étendit la main vers le pavillon dont on voyait le toit au travers des arbres. « mon Dieu !» murmura Grincel. « Madame Diane en mourra !» Le capitaine attacha sur l'enfant un regard inquisiteur. « Tu es discret, n'est-ce pas » dit-il. « Discret comme la tombe, capitaine. On aura ma vie à Rome en secret. »« Écoute, » poursuivit le capitaine, « je lis tant de douleur dans tes yeux que je veux te mettre un espoir au cœur. »« Oh, vous le sauverez, n'est-ce pas ?» s'écria Grincel. « Moi, non, mais qui ?»« Le général et Madame Diane. »« Comment ? Je ne sais pas. » »« Et vous croyez ?»« Je crois, » dit le capitaine avec conviction. Puis il prit la main de Grincel et lui dit tout bas, « À présent, parlons d'autre chose. Le général est parti. »« Parti pour quel pays ?»« Pour Paris, » a-t-il dit. « Il est parti avec son neveu, le vicomte de la Morlière. » Grincel fronça le sourcil. « Je ne sais pas, » dit-il. Pourquoi j'ai une vague idée que... » Il s'arrêta, hésita, et le capitaine tressaillit profondément. « Parle, » dit-il. « Ah, pardon, » dit l'enfant. « Je ne parlerai que lorsque vous m'aurez dit comment le compte a été pris. »« C'est juste, » dit le capitaine. Il raconta à Grincel tout ce qui s'était passé. Le gars écouta attentivement. « Monsieur Aubin, » dit-il enfin, « Ambroise est un misérable qui ne mourra que de ma main. Et je le vois bien à présent. » C'est lui qui m'a assommé la nuit dernière et qui a trahi le comte, mais... » Grincel hésita encore. « Voyons, parle, » insista le capitaine. « Ah, c'est que, voyez-vous, monsieur Aubin, ce que je vais vous dire est si grave. »« Foi de soldat, » jura le capitaine, « ce sera un secret entre toi et moi. »« Eh bien, » dit l'enfant, « Ambroise n'a été qu'un instrument. »« Tu crois ? On l'a payé, on l'a poussé. »« Mais qui ? Les neveux du général. » articula froidement Grincel. « Prends garde, petit, » dit le capitaine. « Cette pensée m'est venue, comme à toi, et je l'ai repoussée. »« Ils aiment Madame Diane. »« Tous trois ?»« Tous trois. » »« Cependant, l'un d'eux est parti, le vicomte. »« C'est celui que je crains le plus, » dit Grincel. « Oh, rassure-toi, » dit Charles Aubin, « si le roi veut faire grâce, ils trouveront bien le moyen de l'en empêcher. » Les paroles du gars impressionnèrent vivement le capitaine. Cependant, il dit à Grincel, il serait prudent que tu ne reparusses point au château. Pourquoi ? Mais parce que si, comme tu le crois, comme nous le croyons, les neveux du général se sont entendus avec Ambroise, il ne fait pas bon pour toi ici. Grincel eut un sourire superbe. Et, ajouta le capitaine, il vaut mieux qu'il te croie mort. Vous avez peut-être raison, répondit l'enfant. Seulement, vous direz un mot à ma mère, n'est-ce pas ? Elle sera muette. Sois tranquille. « Je vais rejoindre les compagnons de monsieur le comte. Adieu, capitaine !» Et Grincel se reprit à ramper dans la broussaille et disparut.